crois que c'est un peu à cause de toi. De toute cette nuit qu'on a vu passer dans le noir. Et peu à peu, j'ai même eu peur de moi. Alors j'ai voulu sortir faire la fête trop fort. Voulu danser des heures, je voulais oublier mon corps. Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts. Il faut me croire. Alors j'ai voulu tout casser, j'ai sans doute eu tort. Voulu rejoindre le navire quand il quittait le port. Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts. Pour pas que le... Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts pour pas que le...